Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin au français par un moine de Font-Rombaut, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Neuvième partie, le commentaire du huitième article, Je crois au Saint-Esprit. Ainsi que nous l'avons dit, le Verbe de Dieu est le Fils de Dieu, comme le Verbe de l'homme est une conception de son intelligence. Mais parfois le verbe de l'homme est un verbe mort. Il en est ainsi lorsque l'homme songe à ce qu'il doit faire, mais sans avoir la volonté de l'accomplir. De même, quand l'homme a la foi mais n'agit pas, on dit de sa foi qu'elle est morte. Saint Jacques écrit en effet, comme le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Mais par contre, la parole de Dieu est vivante, comme saint Paul le déclare aux Hébreux. C'est pourquoi Dieu nécessairement possède en lui volonté et amour. Saint Augustin le dit dans son ouvrage sur la Trinité. Le verbe dont nous nous proposons de donner une idée, c'est une connaissance accompagnée d'amour. Or, comme le Verbe de Dieu est le Fils de Dieu, ainsi l'amour de Dieu est le Saint-Esprit. Il s'ensuit que l'homme possède l'Esprit Saint lorsqu'il aime Dieu. L'apôtre écrit en effet aux Romains, L'amour de Dieu a été répandu par nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il y eut des hommes dont la doctrine concernant le Saint-Esprit fut tout à fait erronée. Ils affirmèrent en effet, Le Saint-Esprit est une créature, il est inférieur au Père et au Fils, et il est l'esclave et le serviteur de Dieu. Pour repousser ces erreurs, les pères ajoutèrent dans un autre symbole cinq paroles concernant le Saint-Esprit. La première, bien qu'il y ait d'autres esprits, à savoir les anges, ceux-ci cependant sont serviteurs de Dieu. Conformément à ces paroles de l'apôtre aux Hébreux, les anges sont tous des esprits destinés à servir. Mais le Saint-Esprit, lui, est Seigneur. Jésus, en effet, dit à la Samaritaine, L'Esprit est Dieu. Et l'apôtre écrit aux Corinthiens, L'Esprit est Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs il ajoute, Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La raison en est que l'Esprit nous fait aimer Dieu et enlève de notre cœur l'amour du monde. La première parole ajoutée par les pères dans l'autre symbole est donc Je crois en le Saint-Esprit qui est Seigneur. Deuxièmement, l'âme possède la vie si elle est unie à Dieu, puisque Dieu lui-même est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. Or, c'est l'Esprit Saint qui unit à Dieu par l'amour, car cet Esprit est l'amour de Dieu, et c'est pourquoi il vivifie. Comme Jésus l'enseigne à ses disciples, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est pourquoi les pères ajoutèrent en second lieu dans leur symbole Je crois en le Saint-Esprit qui vivifie. Troisièmement, l'Esprit Saint est de la même substance que le Père et le Fils, car comme le Fils est le Verbe du Père, le Saint-Esprit, lui, est l'amour du Père et du Fils. C'est pourquoi il procède de l'un et de l'autre. Et comme le Verbe est de même substance que le Père, ainsi l'amour également est de même substance que le Père et le Fils. C'est pourquoi, en troisième lieu, les pères dirent du Saint-Esprit dans leur symbole qu'il procède du Père et du Fils, ce qui est la preuve évidente que l'Esprit-Saint n'est pas une créature. Quatrièmement, nous devons rendre au Saint-Esprit le même culte qu'au Père et au Fils. Le Seigneur dit en effet à la Samaritaine, Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et à ses disciples, avant de monter au ciel, Jésus déclare « Enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pourquoi les pères dirent du Saint-Esprit dans leur symbole qu'il est adoré conjointement avec le Père et le Fils. Cinquièmement, ce qui montre que le Saint-Esprit est égal à Dieu, c'est que les saints prophètes ont parlé poussés par Dieu. Il est donc évident que si l'Esprit Saint n'était pas Dieu, on ne dirait pas les prophètes ont parlé poussés par lui. Or Saint-Esprit écrit dans sa deuxième épître, c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Et Isaïe déclare, le Seigneur Dieu et son Esprit m'ont envoyé. C'est pourquoi les pères, en cinquième lieu, dirent du Saint-Esprit dans leur symbole qu'il a parlé par les prophètes. Par cette dernière affirmation, on détruit deux erreurs. D'abord, l'erreur des manichéens, qui déclarèrent « l'Ancien Testament ne vient pas de Dieu », ce qui est une fausseté puisque l'Esprit-Saint a parlé par les prophètes. Ensuite, l'erreur de Priscille et de Montan, qui dirent « les prophètes n'ont pas parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais comme des hommes qui ont perdu la raison ». Saint Thomas d'Aquin conclut l'exposé de ce commentaire du Credo sur le Saint-Esprit par l'exposé des fruits abondants que le Saint-Esprit produit en nous. Premièrement, il nous purifie du péché. La raison en est que c'est à celui qui a fait une chose qu'il appartient de la refaire. Or, c'est l'Esprit-Saint qui a créé l'âme humaine. Par son Esprit, en effet, Dieu fait toutes choses. Car c'est en aimant sa propre bonté que Dieu produit tout. Vous aimez tous les êtres, dit le livre de la sagesse, et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. Et saint Denis dit au chapitre 4 des noms divins, l'amour de Dieu n'a pas supporté de demeurer stérile. Il convient donc que ce soit l'Esprit Saint qui refasse le cœur des hommes détruits par le péché. C'est pourquoi le psalmiste adresse à Dieu cette prière « Envoyez votre esprit et les êtres seront créés, et vous renouvellerez la face de la terre. » Et que l'esprit purifie, ce n'est pas chose étonnante, parce que tous les péchés sont remis par l'amour. Suivant cette parole du Seigneur concernant la pécheresse, ses nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Le livre des Proverbes avait dit de même « L'amour couvre toutes les fautes. » Et cet enseignement est repris par saint Pierre. L'amour, dit-il, couvre la multitude des péchés. En second lieu, l'Esprit Saint illumine l'intelligence. Parce que tout ce que nous savons, en effet, nous l'avons appris du Saint-Esprit, conformément à cette parole de Jésus, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et saint Jean, parlant du Saint-Esprit, dit de même, son onction vous instruira de tout. Un troisième fruit du Saint-Esprit est qu'il nous aide et nous oblige en quelque sorte à garder les commandements. Personne en effet ne pourrait garder les commandements de Dieu s'il n'aimait pas Dieu. Conformément à la parole du Christ, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Or le Saint-Esprit nous fait aimer Dieu, et c'est pourquoi il nous aide. Le Seigneur dit en effet dans Ézéchiel, « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je vous ferai marcher selon mes préceptes, et vous observerez mes lois, et vous les pratiquerez. En quatrième lieu, l'Esprit-Saint affermit notre espérance de la vie éternelle, car il est comme le gage de son héritage. Selon cette parole de l'apôtre aux Éphésiens, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit-Saint promis, qui est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est en effet comme les arts de la vie éternelle. La raison en est que la vie éternelle est due à l'homme en tant qu'il est fait fils de Dieu. Et il le devient en étant rendu semblable au Christ. Or l'homme est rendu semblable au Christ par la possession de l'Esprit du Christ, qui est le Saint-Esprit. L'apôtre en effet écrit aux Romains, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif, qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». En effet, l'Esprit en personne témoigne à notre esprit que nous sommes les fils de Dieu. Et saint Paul écrit de même aux Galates, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». En cinquième lieu, le Saint-Esprit nous conseille dans nos doutes et nous apprend quelle est la volonté de Dieu. « Qui a des oreilles, dit Jésus, entend de ce que dit l'Esprit aux Églises. » Et il est écrit dans Isaïe, « Je l'écouterai comme un maître ».